Parce que, tout simplement, c'est leur fête de l'amour. Ah, que c'est donc cute. La fête de marketing et de la... Oh, ouais. En tout cas. Ah, faut en vendre des affaires. Oui. Faut faire rouler ça, cette économie-là. Quelle belle invention, hein? Ça, là, hein, c'est une belle affaire qu'ils ont fait. Yes, sir. Comme toutes les autres fêtes. Bon, ben, je suis pas du tout cynique aujourd'hui. Je pense que tu t'es mis de la pression pas mal avec tes idées de Saint-Valentin tantôt, François. Là. Ouais, un peu. Faut que t'exécutes, là. Faut que tu sois à la hauteur de tes propres conseils à la radio, là, François. Moi, je prends pas de chance. Non. Je t'explique ma stratégie. Vas-y. J'ai fait tout. Bon, le budget est pété pour l'année, hein? Tout. Pas de Noël, tout. Pas de fête, pas de mariage. Pas de mariage. Ah, ça va-tu? C'est une bonne idée, Mathieu, merci. Je pense qu'il y en a une qui va t'en vouloir. Oh! Oups! Ah ben, si j'ai à souffrir, tu souffriras avec moi. Ben, OK. Hein? Fais pas les affaires à moitié ici, assez fou, là. Non, non, non. Non, non, non, non, non, non, non, non. Si on faisait les affaires à moitié, il nous resterait 20 minutes d'émission. On pourrait s'en aller. Mais non. Ça serait plaisir. Bon, retour, c'est la deuxième heure d'Assemblage requis en ce lundi 14 février 2011. Moi, c'est Mathieu Plante. Bonjour, Mathieu. Tu m'as presque eu en parlant pas. Je pensais que j'avais fait erreur. Mais non! Non, non, non, c'est ton nom, ça! Des fois, je pense faire des erreurs et ça ne s'en sont. C'est une ensemble? Si, peut-être. Comme là, mettons. Bon! Salut, Mathieu. Tu vas bien? Ça va très bien, toi? Oui, on va toujours bien, on dirait, à la radio. Hein. Oui. On pas choué, écoute. C'est rare qu'on entend quelqu'un dire « Bon, moyen ». Ça va mal, ça que moi, paix. Ouais, parle-moi pas. Karim Ouellette, excellent, excellent bloc. Je trippe. Excellent. C'était incarimable. Incarimable, what tabarouette. Mathieu Plante. Non, non, non, non, j'essayais, mais ça n'a pas marché. Encourage pas ça quand ça marche pas, François. Ou un chat noir rendait son propriétaire fou et le changeait en meurtrier. Mon Dieu. Mathieu, ouais, je pense un chat dans la gorge. Ouais, on va y aller. Chat dans la gorge. Un chat noir. Je savais que ça m'arriverait. Remplis le temps, s'il te plaît. Non, non, ça va bien, ça va bien. Hey, mais d'autant plus important à faire opérer ces chats, en fait, là, parce qu'ils en retrouvent pas mal dans les Société protectrice canadienne des animaux. Hey, là, Mathieu, tu m'inquiètes, là, tu viens tout rouge. J'en pleure et je suis rouge. Hey, on écoute Wolf and Cub. Mais là, c'est un loup, pas un chat. Voici 77. Donc, la thématique sur la télé, là. Télévision. La boîte, là, où il y a des gens qui parlent dedans comme des marionnettes. C'est pareil. C'est pareil. C'est pareil. Écoute, j'écoute les nouvelles, j'ai l'impression que... qu'ils te parlent comme s'ils avaient une main dans les fesses. Assemblage requis, l'émission matinale en pièces détachées au 89.1 FM. Non, Mathieu, c'est fou! Ah! Ah! C'est ça. Ah, CFO. Ah, j'ai de la comprendre. Toujours avec Mathieu Plante et François-Olivier Marchand. Bonjour. J'aime ça quand tu me donnes un silence je te comme laisse, ça. Oh, je te laisse languir un peu. C'est beau. Je te trouve bon. Ouais. Je te renverrai le compliment si je le pense. Voici la chronique de François Crotte. T'es pas si bon que ça. Et François-Olivier Marchand est en congé aujourd'hui, donc on va le retrouver lundi. On espère qu'il s'amuse et qu'il s'en veut pas trop de m'avoir fait venir à pied ce matin. Ça m'a fait prendre de l'air, donc c'est bien, j'en ai besoin. Je rappelle que François-Olivier est en congé aujourd'hui, il va être de retour avec moi lundi. Mais d'ici là, on va avoir la présence de Simon Fédibé qui va agir presque en tant que co-animateur. Si on veut, on pourrait quasiment t'appeler de même. Et de tabarouette, oui. Et de tabarouette de tabarouette. Hey, tu limites bien. Tabarouette. T'es beau et t'es bon. Et pas cher aussi. Ouais, je coûte moins cher. Un petit peu moins.